s'épanouit ton cul. Puis tes cuisses de nylon aux confins du tel, chie pour le bien de tous, le plus touffu des riz. Sur tes yeux hirondelles se penche le roi, la bouche noire qui s'étire en étant carnassère. Tes petits s'inspirent tout ton t-shirt en tigre, sur ton ventre impatient qui s'abîme et pubère. Il est magnifié.